petit boulot en boulot, on vagabonde entre les deux. Depuis le chant du coquelicot au soir couvé comme des œufs. La scène est toujours remplie d'eau. Mon dos courbé comme une antenne. Et nos deux mains qui se déchaînent, qui se démènent. Nous mènent d'îlot en îlot. Oh oh. Du petit amour jusqu'au grand, on fait de la maçonnerie. Faut pas qu'on se prenne pour des glands, mais pas non plus pour des génies. En fait, on est entre les deux. Je veux pas dire qu'on est moyen. Est-ce que si on s'aimait plus loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, on se sentirait vraiment mieux? Peut-être pas, je ne crois pas. Je vous l'avoue que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai envie folle d'aller respirer sa couleur. Je ne crois pas, je vous l'avoue que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai envie folle d'aller respirer sa couleur. Viens, je t'emmène. Jusqu'au plus gros, j'élargis mon vocabulaire. Du coup je les appelle les salauds, ceux qui sont dans les ministères. Tous ceux qui douanent et qui à tout âge péage, qui mettent des bâtons dans nos roues, qui pourtant roulent. On s'en fout car voilà nous, on trouve ça plus cool. Les bateaux pour prendre le large. Vieux temps au contre-temps, j'apprends à relativiser. Et j'écoute beaucoup moins les gens qui disent l'important c'est viser. Toujours plus haut que l'heure n'est que l'heure cul par les horloges et les tic-tac tous obsédés. Quand ils se coincent entre un futur et un passé, passé, je me consacre à ce qui est pas ce qui fut. Je ne crois pas, je vous l'avoue, que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai l'envie folle d'aller respirer sa couleur. Je ne crois pas, je vous l'avoue, que l'herbe sente meilleur demain. Oui, mais quand même, j'ai l'envie folle d'aller regarder son parfum. Viens, je t'emmène. Lâchent en passant un souvenir des Indes. Je les jalouse en m'essuyant. Parfois ce pays me rend dingue. Je ne crois pas, je vous l'avoue, que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai l'envie folle d'aller respirer sa couleur. Je ne crois pas, je vous l'avoue, que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai l'envie folle d'aller respirer sa couleur. Je ne crois pas, je vous l'avoue, que l'herbe soit plus verte ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai l'envie folle d'aller respirer sa couleur. Je ne crois pas, je vous l'avoue, que l'herbe soit plus verte ailleurs. Mais quand même, j'ai l'envie folle d'aller respirer.